Société Granger, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Bernard. Oui, c'est de la part de qui ? De Jeannette Durieux. Un instant, s'il vous plaît. Allô ? Oui ? Monsieur Bernard est en réunion. Vous voulez laisser un message ? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé ? C'est noté. Merci, au revoir. Au revoir.